Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à la semaine prochaine. Le 2 janvier dernier, Frances Arnold, lauréate du prix Nobel de chimie 2018, a retiré une étude publiée dans la revue Science, une rétractation jugée vertueuse par la communauté scientifique, qui salue ce geste d'intégrité pour une manipulation que la chimiste estimait non reproductible. Ce n'est pas la première fois qu'un lauréat du prix Nobel retire l'un de ses articles, mais cette rétractation met en lumière le problème de la non-reproductibilité ainsi que la réticence de la communauté scientifique à assumer que la configuration de la recherche internationale engage les chercheurs à publier trop souvent et trop vite, quitte à laisser passer des études à l'apport scientifique questionnable. Rétractation post-publication scientifique triste, c'est le programme éthique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette question des rétractations, de leurs implications et des solutions à apporter pour lutter contre les méconduites et les erreurs dans le milieu de la recherche, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Corvol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chercheur en biologie, professeur émérite au Collège de France et président de l'Académie des sciences, auteur en 2016 d'un rapport sur l'intégrité scientifique pour le ministère de la Recherche. Et Hervé Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin en santé publique, rédacteur scientifique et référent intégrité de la faculté de médecine Paris 7. Mais pour commencer, on fait le tour de l'actualité scientifique et de la recherche du jour dans le Journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une première mondiale, la première observation d'hydrogène sous forme métallique. De l'hydrogène métallique, c'est historique. L'hydrogène est un élément très simple, un proton, un électron, et c'est la particule la plus abondante de l'univers. Sa métallisation a été prédite en 1935. Quelques années plus tard, on a aussi prédit sa supraconductivité, un métal sans résistance électrique qui conduit l'électricité sans perte et à température ambiante. Ces trois prédictions ont suscité une course chez les physiciens. Une équipe française vient de la remporter. Ils viennent de publier leurs résultats dans la revue Nature. Un échantillon d'hydrogène a été placé entre deux nouveaux types de presse à enclume de diamant, puis a été pressé à plus de 4 millions de pressions atmosphériques. Mais comment démontrer la métallisation? En collaboration avec Paul Loubert du CEA, Paul Dumas est chercheur émérite du CNRS, détaché au centre Synchrotron Soleil. Il est le co-auteur de cette étude. Alors on est parti sur une voie indirecte, qui est l'utilisation de l'infrarouge. Et ce domaine, on le connaissait pour deux particularités. Le premier, c'est qu'il savait sonder les molécules. Et la deuxième aspect, et c'est ce qu'on voulait exploiter, c'était le fait que lorsqu'il y avait apparition d'une densité électronique quelque part, l'infrarouge était absorbé. Donc si on avait une formation d'un métal, on allait voir une densité électronique jusqu'au moment où ces électrons vont atteindre ce qu'on appelle le niveau de conduction, c'est-à-dire un niveau où ils peuvent circuler vraiment librement. Donc ces deux idées-là, elles étaient vraiment un outil indirect pour aller sonder l'évolution du phénomène lorsqu'on mettait la pression. Mais il faut dire qu'on butait sur un mur de verre qui était le fait que plus on allait loin dans la pression, et plus on se rendait compte que les diamants cassaient parce que c'était des pressions énormes qui étaient exercées. On savait que c'était plus de 4 millions d'atmosphères. Aucun diamant ne tenait à ces pressions-là. Et là, c'est encore une fois l'équipe de Paul Loubert qui a imaginé pouvoir modifier les constantes élastiques de la pointe de ce diamant pour pouvoir lui donner une élasticité et une force de résistance à la pression bien au-delà de ces 4 millions d'atmosphères. Et l'équipe de Paul Loubert a pu atteindre des pressions de l'ordre de 6 millions d'atmosphères. On a montré qu'il y avait, dans l'étape de métallisation, il y avait une étape, je dirais intermédiaire, je mettrai deux guillemets. C'est-à-dire que l'hydrogène, il reste encore moléculaire, il y a des liaisons et il devient métallique. C'est juste l'antichambre de l'autre étape, c'est-à-dire que ces liaisons vont se casser et on va obtenir un métal atomique. Alors évidemment, c'est déjà nos ambitions immédiates, c'est arriver à cette étape et mesurer sa supraconductivité à l'intérieur de la cellule. Parce que c'est là où on dira oui, il est métallique, oui, c'est un métal atomique et oui, il est supraconducteur. Et on passe au bref. De nouvelles données sur le glacier Thwaites, qui est l'un des glaciers les plus importants et les plus à risque en Antarctique. Et une équipe internationale a un premier aperçu de son état, en profondeur. Grâce à Icefin, un robot sous-marin, nous avons des images de sa ligne d'ancrage, qui se situe juste entre la glace continentale et la glace flottante. Cette ligne d'ancrage est importante pour la stabilité du glacier. Plus la ligne recule, plus la glace s'écoule rapidement dans les océans, plus le niveau des mers augmente. La fonte de ce glacier représente déjà 4% de la hausse du niveau des mers. Et à la base de la glace, on constate que l'eau est de 2 degrés Celsius au-dessus des températures normales. Les géophysiciens craignent qu'il atteigne un point de bascule. Dans une étude parue dans ACS Applied Energy Materials, une équipe franco-japonaise a réussi à booster les performances des cellules photovoltaïques. La nouvelle génération de cellules photovoltaïques de nos plaques solaires sont à base de pérovskite. C'est le tandem pérovskite et silicium qui permet la conversion de l'énergie solaire en électricité. Cette équipe a eu l'idée de remplacer les sels de lithium par des polymères ioniques. La conductivité a ainsi été améliorée. Leurs cellules photovoltaïques ont été productives de 20%. Ces travaux ouvrent la voie à des cellules solaires plus fiables et plus efficaces. Et enfin, selon une étude parue dans International Journal of Indoor Environment and Health, même éteintes, les cigarettes continuent d'être toxiques. Et nous aurions négligé un facteur de tabagisme important, la toxicité des mégots. Une équipe américaine a découvert que les cigarettes produisent des émissions chimiques après leur extinction. Et ce, pendant 7 jours. Un mégot continue de diffuser 14% du taux de nicotine pendant 24 heures. Les concentrations de nicotine, de triacétine et de 8 autres produits chimiques commencent à s'étioler au bout de 5 jours. On peut penser aux 4300 milliards de mégots de cigarettes jetés dans l'espace public chaque année dans le monde, soit 137 000 mégots par seconde. En conclusion, les chercheurs encouragent à bien vider les cendriers. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Si Frances Arnold, prix Nobel de chimie en 2018, et ses co-signataires ont décidé de retirer un article publié en mai 2019 dans la revue Science sur la synthèse enzymatique des bêta-lactamines, c'est pour cause d'impossibilité à reproduire plusieurs manipulations en laboratoire et par défaut d'un certain nombre de données brutes dans le carnet de laboratoire. Cette difficulté à reproduire des résultats que l'on appelle généralement crise de la reproductibilité et les problèmes d'intégrité scientifique que cela implique, tout cela a émergé suite à un article de John Ioannidis qui avait fait grand bruit en 2005, article intitulé « Pourquoi la plupart des recherches publiées sont fausses ?». Pour autant, cette difficulté, voire cette impossibilité à reproduire le résultat d'expériences publiées dans de grandes revues scientifiques n'est pas nouvelle, comme en atteste notre archive du jour. Nous sommes en 1988 sur France Culture, dans l'émission « La science et les hommes ». Voilà un journal qui est l'étalon international, si je puis dire, de la qualité scientifique, qui tout d'un coup s'est mis à jouer sur un autre registre, qui est celui, on va faire paraître un papier, mais ce papier est soit un faux, soit il y a quelque chose derrière qu'on va découvrir, et c'est assez intéressant pour nous de contrôler cette affaire. Ils ont pensé que c'était un faux, d'où la composition de la commission d'enquête, et en fin de compte, ensuite, et il faut quand même noter l'ensemble des choses, ils ne démontrent pas que c'est un faux, l'enquête montre qu'ils découvrent des limites dans les expériences qui sont d'ailleurs très bien expliquées dans leur papier, ces limites leur font douter de la validité des résultats qui ont été rapportés, mais ne leur font pas conclure qu'il s'agit d'un faux. Et ensuite, Maddox explique qu'il faut publier de la science de deuxième zone aussi pour informer le public que la science de deuxième zone existe. Alors, à mon avis, mon opinion personnelle et l'opinion de la communauté, c'est que je crois que Nature, dans tous les cas, a changé de registre et qu'on peut le regretter. C'est-à-dire que je crois qu'il est sain pour la communauté scientifique nationale et internationale qu'il y ait un journal difficile dans lequel on ne publie que suivant des critères de qualité et que de manière à ce que lorsqu'on publie dans ce journal, on ait l'assurance que le travail ait été bien évalué et qu'il s'agit d'une contribution d'ordre majeur. Je crois qu'aucun journal scientifique n'a intérêt à aller vers l'aventure qui consisterait à publier des faux pour les démentir ensuite ou de publier du travail de deuxième zone pour le faire connaître au public de manière large. Alors on entend bien qu'ici la critique est exercée essentiellement à l'encontre de la revue Nature. On parle de science de deuxième zone, de mauvaise vérification et donc de mauvais travail des pairs, hein, des comités de lecture. Mais qu'est-ce que ça vous inspire finalement le fait que dès 1988 on commence à s'inquiéter finalement de la possibilité de reproduire ou en tout cas qu'il y ait des études défaillantes publiées dans les grandes revues à comité de lecture, Hervé Maisonneuve? Oui, merci. À ce moment-là, on commençait à peine à en parler. La communauté scientifique n'osait pas discuter de tout ça. Et comme vous l'avez dit, c'est l'article de John Ioannidis en 2005 qui a refait partir ça. Il a fallu du temps pour parler, parce que beaucoup de gens savaient qu'il y avait des choses que je dirais un petit peu bricolées ou embellies, qui ne sont pas des vraies fraudes. Et c'est surtout ça qui est le problème derrière. Parce que la fraude n'est pas si fréquente que ça. Elle est très médiatisée. Donc on va parler surtout de petits bricolages qui vont amener à non reproduire. Alors c'était 2005 et puis c'est pour moi le début des années 2010 et c'est la psychologie qui a le travaillé le plus puisqu'il y a eu plusieurs histoires concomitantes. Des psychologues ont essayé de reproduire des articles et ils sont allés dans un congrès présenter ça et ils ont été très agressés par la communauté en leur disant ils passaient leur temps à refaire des travaux, donc ils perdaient leur temps, ils gaspillaient l'argent et ils n'avaient pas d'idée. C'est allé très violent, hein, et c'est après 2012-2014 qu'on en est venu à reconnaître beaucoup plus facilement et discuter plus facilement de ça. Donc l'histoire est importante. Pierre Corvol. Oui, je crois que l'histoire des faux est ancienne, en fait. Dans la littérature, si on regarde le nombre de faux, on les trouve dans tous les domaines, aussi bien l'architecture, la paléontologie, les sciences dures que les sciences humaines et sociales. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une prise de conscience de la communauté qui veut changer ses pratiques. En tout cas, moi, je le perçois, c'est pas quelque chose dont on discutait de façon ouverte et libre. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Faut dire que il y a une pression qui est forte de la part, bien sûr, des médias, notamment des médias et des réseaux sociaux, qui font que on ne peut plus mettre sous le boisseau un certain nombre de malfaçons. Les fraudes sont rares, comme vient de le dire Hervé Maisonneuve. En revanche, ce qui est difficile pour un chercheur, c'est de se dire qu'après avoir longuement travaillé, il peut se trouver devant des données qui sont, je dirais, acceptables, sauf quelques points, sauf quelques outliers, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire, je dirais, quelque chose qui fait que la courbe n'est pas parfaite, qu'il y a difficulté à expliquer pourquoi un animal s'est comporté de façon aberrante. Et donc, la tentation est grande. D'effacer un point sur la ligne. D'effacer un point sur la ligne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de courant, et que nous avons du mal, d'ailleurs, nous-mêmes à repérer. Je crois que c'est ce qui peut expliquer que, forcé, je dirais, par ce qui existe en termes de rapidité de publication, de compétition, de ce qui est associé aussi avec la publication, et notamment une publication d'une très bonne revue, bah, c'est quand même, il faut bien le voir, hein, la promotion de quelqu'un, même sans promotion, c'est tout de même les crédits du laboratoire, c'est la réputation de l'institution, c'est le fait qu'à l'issue d'une très grande publication, on peut imaginer d'avoir une levée de fonds pour une start-up, etc., etc. Donc, il y a indiscutablement une pression forte qui s'exerce chez chacun des chercheurs. Alors, effectivement, il faut manipuler avec précaution ce terme de fraude scientifique, parce que, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, la fraude, au sens de vraiment contrefaçon totale d'un article, est extrêmement rare. On parle effectivement de petits arrangements, d'embellissements, ou de non-reproductibilité. Dans certains cas, ça peut être juste un changement de matériel, un changement de température, de saison. Tout ça tient parfois à très peu de choses. Pour ce qui concerne Frances Arnold, prix Nobel de chimie, donc tout le monde a salué cette rétractation, nous l'avons contactée et voici ce qu'elle nous a répondu par email sur les raisons de sa rétractation. Elle dit plusieurs choses. Elle dit d'abord qu'elle ne voulait pas que d'autres chercheurs perdent du temps à essayer de reproduire ses résultats et notamment des doctorants, dont c'est souvent le travail de refaire en conditions expérimentales un certain nombre de manipulations. C'est tout de même intéressant ce premier point, Hervé Maisonneuve, ça veut dire que on commence commence de plus en plus fréquemment à refaire soi-même et n'aime pas attendre que les autres refassent nos propres manips. Comment vous l'interprétez cela ? Je suis pas sûr que dans un laboratoire on fasse systématiquement, on refasse ce qu'on a déjà publié. Et c'est souvent à l'occasion d'un nouveau thésard ou d'autres choses où une petite partie est reprise, où on va rechercher une archive et on trouve pas ce qu'on attendait. C'est parfois encore accidentel plus qu'une pratique régulière de dire on va quand même retester ou refaire. Je sais pas, Pierre, tu es d'accord? Moi, je vais donner un exemple très précis. En 70, je suis postdoc au NIH. Je regarde un article et je voulais prendre une partie de la méthodologie pour aller chercher quelque chose d'autre. Mais la partie de la méthodologie était très précise. J'essaye une fois, j'essaye deux fois, j'essaye trois fois, ça marche pas. Je culpabilise, je me suis dit, je suis un jeune postdoc. Et là, le fellow américain qui était à côté de moi, mais tu as tort, il suffit de téléphoner à la personne qui a fait la manip pour savoir ce qui se passe. Et effectivement, comme par hasard, il y avait un élément clé qui manquait dans les matériels et méthodes. Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'abord que c'était pas de ma faute obligatoirement si la manip ne marchait pas. Ça, c'était plutôt rassurant. Et deuxièmement, qu'il fallait aller chercher l'information. Et troisièmement, que délibérément ou non, la section matériel et méthode qui est absolument fondamentale pour parler de reproductibilité peut être effectivement un inexact, incomplète, incorrect. Et donc ça, c'est très important. La deuxième chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que il faut être extrêmement précis quand on décrit dans un article une expérience, une cohorte, et ou un essai thérapeutique, par exemple. Parce que la non-reproductibilité peut provenir du fait que la population étudiée n'est pas la même en détail, en finesse, que celle qui est à l'heure actuelle en cours d'investigation. Donc je crois que c'est aussi un effort de précision qui est demandé aux chercheurs quand ils publient, de façon à ce que ces résultats, et c'est tout son avantage, puissent être reproduits, ou en tout cas que les conclusions auxquelles il aboutit puissent servir dans l'élaboration d'une autre expérience ou d'un autre travail. Frances Arnold nous écrivait aussi en réponse justement à notre message, nous disait que l'une des raisons pour lesquelles elle a été conduite à retirer ce papier, c'est notamment parce que quelqu'un qu'elle admire, un autre scientifique, a retiré de son côté un papier très important quand elle était encore jeune chercheuse, qu'elle a voulu transmettre l'exemple. Effectivement, c'est important cette volonté d'exemplarité d'une prix Nobel qui dit, personne n'est infaillible, y compris quand on a été récompensé par le plus prestigieux prix scientifique. Oui, c'est très important parce que moi je forme beaucoup de jeunes et je vois que la culture n'est pas encore de ça. Je me viens à l'exemple, un jeune que j'ai rencontré il y a 6 mois, et il me dit j'avais 100 variables et ça marche pas du tout et c'est pour ma thèse de science. Donc j'étais proche de ma thèse et les résultats étaient négatifs. Nous avons passé 2 heures avec mon directeur de thèse et de 100 variables, dans la thèse il y en a plus que 40, parce qu'en arrangeant il m'en a fait enlever 60. Et là, je vais avoir ma thèse. Et moi, ça m'a beaucoup gêné et je lui ai dit non, je peux pas faire ça. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu, écoute, là, il faut faire ta thèse et que tu aies un poste. Quand tu seras plus grand, tu feras ce que tu veux. Pierre Corvol. Oui, la rigueur scientifique, c'est pas ça. La vérité, normalement, on ne devrait pas se poser ces questions-là. Le chercheur est fait pour aboutir à la vérité scientifique. Donc, on a là un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois qu'il faut l'apprendre aux jeunes. Parce que ce n'est pas évident, a priori. Le fait que Frances Arnold, qu'une prix Nobel, qu'il y ait cette publicité autour de la rétractation d'un prix Nobel, ça va plutôt, on aurait tendance à dire, dans le bon sens. Ça va dans le tout à fait bon sens. Et je pense qu'il faut qu'on le dise aux jeunes, de façon à les décomplexer et que voilà, les règles qui doivent être appliquées le soient. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de rétractation avec Pierre Corvol et Hervé Maisonneuve tout au long de cette heure, hein, suite à la rétractation du papier signé par la prix Nobel de chimie Frances Arnold. Peut-être, on vous le disait, hein, Hervé Maisonneuve, ces rétractations publiques sont un phénomène relativement récent, qu'on les prenne en compte, une dizaine, une quinzaine d'années. De quelles statistiques dispose-t-on sur la rétractation de papier? Les premières rétractations datent de 1960, en fait. On ne connaissait pas bien, et puis il faut bien comprendre ce que c'est que la rétractation. La rétractation, c'est on reconnaît que dans un article, il y a des erreurs, voire aussi parfois de la fraude, mais c'est souvent des erreurs, des erreurs honnêtes, il faut bien dire ça, et que ça amène à retirer l'article de la littérature. Mais attention, parce que là, les pratiques sont très variables selon les journaux. Si on retire un article de la littérature, pour l'histoire, pour la science, il doit rester en ligne, et on met en marque rouge dessus, en anglais « retracted », et on met une notice de rétractation. Et ensuite, on peut, dans certains cas, republier l'article ailleurs en précisant qu'on a changé des choses. Donc attention, il faut qu'il reste en ligne pour la traçabilité. Et aujourd'hui, un certain nombre de journaux enlèvent, bricolent, et on ne sait plus ce qui s'est passé sur certaines choses. C'est d'une certaine façon reconnaître l'erreur, publier un résultat négatif en quelque sorte. C'est ce que fait Madame Arnold. Alors négatif, c'est quelque chose qui fait avancer la science quand même, tandis que l'erreur, pas obligatoirement. Et il faut bien voir que ces erreurs honnêtes, et Pierre l'a bien dit, sont pas dues au chercheur lui-même tout le temps. C'est peut-être l'environnement, c'est peut-être le lieu qui n'est plus le même, c'est peut-être d'autres choses. Et il faut aussi voir que dans ces rétractations, l'erreur n'est pas obligatoirement invalidante de toute la recherche. Ça peut être qu'une petite partie. Donc, il y a nécessité à corriger, parce que ça peut être que le tableau 4 et tout le reste de l'article étant valide. Il ne faut pas faire le gap et la démarche de dire que parce qu'il y a erreur, l'article est invalide totalement. Pierre Corvol, vous disposez de statistiques. Il y a beaucoup d'articles qui sont retirés. Il y en a de plus en plus. Il y a des disciplines qui sont plus concernées que d'autres. Quelle est la vue d'ensemble que l'on pourrait avoir? Écoutez, je prends juste l'article de Nature de novembre 2019, qui était en fait un article qui était destiné à promouvoir l'intégrité scientifique pour les chercheurs chinois. L'article est venant d'un Américain. Il faut voir aussi la manière de donner des leçons. On entend bien. Okay, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ceci dit, le point intéressant, c'est qu'il y a 22 millions d'articles publiés en 2017, 22 millions. 31% de ces articles proviennent des États-Unis, 8% de Chine. Au passage, la France se situe entre 5 et 6%. Et alors, quand on regarde maintenant le nombre de rétractations, on parle de 3000 rétractations, avec on dirait 28% de rétractations provenant des articles américains, 25% des articles chinois, donc plus que ce que l'on pourrait attendre en fonction du nombre d'articles publiés. La France est, proportionnellement, la France est en dernière position, 2,3% par rapport aux autres pays que sont le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie. Alors, on peut interpréter ça de deux manières. On peut dire, finalement, il y a moins de rétractations en France, et c'est très bien. On peut dire aussi qu'il y a moins de rétractations qui proviennent de la rigueur de la communauté scientifique et de son honnêteté à rétracter des papiers qui devraient l'être. Oui, parce que c'est un peu à double tranchant. À la fois, quand Francis Arnold retire un article, tout le monde salue à l'intégrité. Et en même temps, si on ne le retire pas... Enfin, est-ce qu'on sait exactement, d'ailleurs, quelles sont les différentes raisons de rétractation? Est-ce qu'on a, pour le coup, des chiffres ou des statistiques, Hervé Maisonneuve? Il y a un certain nombre de données. C'est pas toujours en accord avec ce qu'a dit Pierre, parce que ça dépend des sources et des bases. Mais on est en accord quand même sur le fond. Et il faut savoir qu'on est surtout sur les sciences techniques et médecine, et peu sur les sciences humaines et sociales, pour des tas de raisons que nous n'avons pas expliquées. Alors, les raisons. Il y a une base qui contient des rétractations aux États-Unis, de Retraction Watch, qui a 20 000 rétractations aujourd'hui. Et c'est monté progressivement. Et depuis 10 ans, il y en a environ 1200 de nouvelles par an. Voilà, dans cette base. Alors, les causes que vous me demandez viennent en premier lieu fraude et erreur honnête, qui représentent un peu plus de la moitié des rétractations à L2. Fraude et erreur honnête, on met ça dans la même catégorie? Non, pardon. Deux catégories. D'accord, excusez-moi. C'est pas tout à fait la même chose. Fraude, 30-35%, erreur honnête, 30-35%. Tout ça dépend des études. Bien sûr. Et ensuite, il y a tout ce qui est plagiat, duplication, conflit d'auteurs, problèmes éthiques et d'autres choses qui font tout le restant des 60%, des 40%, pardon. J'ai vu, alors justement, c'est intéressant, cette base de données qui a été créée donc en 2010 que vous citez, Retractation Watch. On voit par ailleurs que sur les auteurs qui sont, il y a 30 000 auteurs présents dans la base de données, une petite minorité est responsable d'une large proportion de l'ensemble des rétractations, c'est-à-dire que une rétractation sur 4 est le fait de seulement 500 personnes. Oui, c'est très concentré ce qui est là. Alors, pourquoi ceux-ci sortent ? Parce que ce sont des gens sur lesquels il y a eu des grosses investigations universitaires et tout. Hein. Mais si vous voulez, je vous ai cité 1200 rétractations dans cette base par an, comparé à environ 2 millions d'articles publiés par an mis dans des bases. Vous voyez que le chiffre est très bas, alors qu'on dit que la reproductibilité concerne peut-être 50% des articles. Donc on devrait en retirer 500 000 ou 1 million par an, si on retirait tout. On peut estimer, Pierre Corvol, de façon globale, que cette augmentation du nombre de rétractations est plutôt le signe d'un mouvement vertueux de conduite éthique et d'attention à la publication scientifique, qu'elle accompagne justement de manière vertueuse, que c'est une conséquence de ce qu'on a appelé la crise de la reproductibilité. Oui, je crois que le fait de s'asseoir, de regarder les résultats, de considérer que les résultats ne sont pas corrects et donner les explications, ça fait partie vraiment d'une démarche responsable. Ce qu'on cherche vraiment à promouvoir à l'heure actuelle, c'est une recherche qui soit intègre et responsable. La responsabilité, c'est d'assumer effectivement une erreur et d'éviter ainsi, d'une part, que d'autres, comme le disait Francis Arnold, reproduisent et n'arrivent pas en fait à reproduire l'expérience. Et en même temps, je pense que c'est très important de montrer on peut être faillible. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont très souvent faillibles, comme le disait Hervé Maisonneuve. Et on a des exemples, par exemple, dans mon domaine cardiovasculaire, où un chercheur a fait peut-être une cinquantaine, une centaine d'articles qui sont à l'heure actuelle démontrés comme étant faux. Un certain nombre d'entre eux ont été rétractés. Et ça se traduit par 10 millions de dollars que l'université Harvard doit payer pour au département de justice américain. Au passage, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans un cas comme cela, il y a tout un processus, n'est-ce pas, juridique, un traitement pénal et une condamnation avec le paiement, d'ailleurs, de l'université qui est responsable. Au passage aussi, ça montre que les grandes institutions sont pas extraordinairement chaudes pour pouvoir rétracter et accepter tout cela. Il y a quand même, la mise en jeu de leur réputation, de leur notoriété. Elles reçoivent aussi des crédits de la part de l'État. Donc, on peut comprendre cela. Bien sûr, mais ça pose une question intéressante, Pierre Corvol, d'ailleurs. Ce traitement pénal, c'est savoir qui est à l'origine des rétractations. Est-ce que c'est systématiquement l'auteur, les co-auteurs ? Qu'est-ce qui se passe quand tous les co-auteurs ne sont pas d'accord ? Est-ce que ça peut être la revue ? Est-ce que ce sont les institutions ? Comment est-ce que ça se passe, Hervé Maisonneuve ? Parce que ça change beaucoup les choses, tout de même. Ça, c'est assez complexe. Alors, il y a une partie dont on parlera peut-être des dénonciations qui arrivent. Qui est à l'origine de la rétractation ? Un rédacteur de revue va prendre beaucoup de précautions. Il ne va pas retirer un article sur deux lettres de quoi que ce soit. Et ce n'est pas le rôle d'un rédacteur de revue d'aller investiguer dans l'institution. Donc, dès qu'il aura connaissance de quelque chose, il va toujours écrire à l'institution en disant « Est-ce que vous avez un comité de déontologie ou autre qui pourrait attester et me donner les preuves de ?» Seul, il ne prendra pas souvent la responsabilité parce que ce n'est pas son rôle d'aller investiguer dans les labos. Donc, ça est donc à l'origine. Qui est à l'origine ? Souvent, par accident, parfois par dénonciation claire ou anonyme, il existe les deux, et aussi par des accidents de relecture de ceci ou de cela. Donc signe la lettre de rétractation ? Rarement les auteurs eux-mêmes. Alors qui signe les lettres de rétractation ? Je n'ai pas de données exactement, mais c'est soit les auteurs, soit le rédacteur en chef. Quand le rédacteur en chef signe, c'est qu'il a un papier de l'université qui lui dit qu'il faut signer. Mais les auteurs signent quand même dans un certain nombre de cas fréquents. Je ne peux pas vous dire, c'est peut-être moitié. Pierre Corvol, sur ce sujet ? Écoutez, je n'ai pas d'expérience réellement chiffrée à vous donner. Ce qui me semble important, effectivement, c'est distinguer l'auteur principal, qui est quand même responsable, je dirais, de la manip, de la manip et de l'ensemble des auteurs qui participent à un article. Vraiment, il faut faire vraiment attention à cela. Les auteurs qui participent à un article sont très nombreux dans certains cas. Si vous regardez les articles de génétique, il y a toute une flopée, et même dans les articles de physique aussi. Il faut bien voir que maintenant, pour les très grandes revues, on demande un travail qui peut durer 2, 3, 4 ans. La critique que fait les référés peut amener à, une reprise d'expérience, de nouveaux co-auteurs qui vont avoir une partie relativement modeste, mais qui est néanmoins indispensable. C'est comme un puzzle qui s'assemble. Celui qui assemble le puzzle in fine, au total, c'est l'investigateur principal, le premier ou quelquefois le co-auteur, premier auteur. Donc moi, je ne mettrais pas du tout ça au même plan. C'est pas pareil. Même s'il y a eu, méconduite scientifique, elle porte, c'est vrai, sur le premier auteur qui doit tout vérifier dans la mesure du possible. Maintenant qu'il y a énième co-auteur impliqué et le stigmatiser de façon excessive, je trouve pas ça normal. Je le dis franchement. On peut préciser par exemple que dans le cas de Francis Arnold, c'est la dernière signataire de l'article, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour, c'est intéressant d'expliquer ça pour les auditeurs. Oui, alors le dernier, alors quand on vient vieux, on devient de plus en plus dernier auteur et même dernier avant-dernier co-auteur, ce qui était mon cas jusqu'à. On publie de plus en plus et on travaille de moins en moins, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est que on n'est pas à la paillasse. On n'est pas aux données sources. Non, ça c'est très important ce que vous demandez. Oui, oui. Bien sûr. Celui qui va s'assurer de la réalité des données sources, c'est vraiment l'expérimentateur qui est à la paillasse devant son microscope ou devant ses expériences de physique. Et celui qui finalement va prendre le tout et aider les deux jeunes ou trois jeunes premiers auteurs, c'est celui qui a effectivement une certaine expérience et qui va en quelque sorte être le garant. Et c'est tout à fait typique, un prix Nobel soit le dernier auteur. Il peut pas être au milieu, il peut pas être au début, c'est sa place. Mais une place très importante. Ça donne une sorte de soutien à l'expérience, une sorte de cachet, de validité ou de prestige, en fait. Tout à fait. Aux travaux. C'est le label, en quelque sorte. Avoir un dernier auteur comme prix Nobel, a priori, on se pose pas de questions. Hervé Maisonneuve. Oui, ces critères pour être auteur, c'est marrant, il faut voir l'histoire. En 1978, les critères adoptés par toutes les revues sont participer au travail, lire le travail et tout. Et ce n'est qu'en 2013 qu'on a ajouté un quatrième critère qui est l'intégrité des données et aller voir ça. Donc vous voyez, c'est très récent. 2013. Et je rebondis sur une remarque qu'a fait Pierre entre les Américains et les Chinois, avec laquelle je suis bien d'accord. Ils ont donné des leçons, mais j'ai un petit peu peur que d'ici quelques années, ce soit les Chinois qui donnent des leçons. Pour deux raisons. Premièrement, ils sont en train de nettoyer un certain nombre de choses et, en général, quand il y a une fraude ou un problème, c'est plus le premier auteur ou l'étudiant, c'est le responsable en haut qui est totalement responsable. C'est-à-dire qu'on va plus chercher qui a fait l'erreur dans l'équipe, le chef est totalement responsable. Ça, c'est déjà quelque chose qui change actuellement beaucoup les le pratiques. Le chef de labo. Le chef de labo, qui change beaucoup les pratiques. Et puis deuxièmement, vous voyez, c'est pas la Chine, mais la Chine va suivre, la Russie, l'Académie des sciences russes vient de demander la rétractation de 800 articles d'un coup. Ils font du ménage. Donc les Chinois, quand ils vont faire le ménage, ça va aller plus vite que chez nous. Un mot encore, et puis on va avancer, on va justement aller du côté de ces sites qui sont vigilants et qui parfois pointent les articles sur lesquels il y a un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il y a des revues, du côté des revues, parce qu'il faut poser la question des revues, c'est ce qu'on entendait d'ailleurs dans l'archive en début d'émission, qui sont plus hostiles à retirer des articles que d'autres, et puis finalement, quid des comités de lecture de ces fameux pairs, s'ils ne sont pas capables de vérifier, ou en tout cas s'ils laissent passer des articles dans lesquels il y a a priori des mauvaises conduites ou des erreurs. Qui veut répondre? Toutes les revues sont relativement réticentes à retirer des articles. Probablement, les grandes revues sont un peu plus vertueuses, mais quand on regarde un certain nombre de choses, il y en a certaines qui ne retirent pas des articles qui auraient dû être retirés et qui restent toujours en ligne. Hein. Regardez juste le coronavirus dans le New England il y a 2 jours. New England Journal of Medicine. Il publie 4 cas d'Allemands qui ont eu un coronavirus en disant, dans le titre, ils l'ont attrapé par une femme asymptomatique. Il a été su 2 jours plus tard que c'était une Chinoise qui avait en Allemagne donné la conférence et qu'elle était sous paracétamol, qu'elle avait des douleurs musculaires, qu'elle avait des frissons. Et dans l'avion, elle a eu le coronavirus. Mais ils n'ont pas questionné ce qu'elle est devenue. Et actuellement, vous avez le titre du New England, contamination par une asymptomatique, et le New England ne veut pas bouger. Pierre Corvol. Oui, je crois que c'est aussi dépendant des revues. On a à l'heure actuelle affaire, et Hervé connaît bien la question, des revues prédatrices. Alors là, la revue prédatrice, elle n'a pas de revieweur, sinon, à la limite, un pseudo-revieweur qui est l'auteur lui-même des jeux de prête-nom. S'auto-évalue, ce qui est une catastrophe. Donc, ce que je vois là, c'est que quand même, maintenant, un certain nombre de revues, notamment dans le domaine médical, qui est un domaine sensible, aident aussi l'auteur et les revieweurs en fournissant, pour un traitement statistique complexe, par exemple, une expertise qui fait qu'on peut s'assurer de la qualité, je dirais, de l'analyse, des résultats. Et ça, c'est absolument indispensable en médecine, puisque beaucoup de choses reposent sur l'analyse statistique. Et là, le British Medical Journal, Lancet, etc., ont, je dirais, une aide pour que l'article soit au maximum fiable. Je conclue très vite sur deux petites choses. Aux États-Unis, il y a un Office de Research Integrity qui évalue les cas et puis qui dit qu'il faut rétracter des articles. À ce jour, 20% des articles qui auraient dû être rétractés ne l'ont pas été par les revues, alors que la commission des États-Unis a dit qu'il faut les rétracter. Donc vous voyez, il y a une réticence des journaux qui est relativement importante. Et puis une deuxième chose derrière tout ça, dont nous ne parlerons pas tellement plus, des articles rétractés sont cités comme s'ils n'avaient pas été rétractés. Ça, c'est le cercle non plus vertueux, mais le cercle vicieux. On va essayer de s'intéresser à l'autre, au cercle vertueux. Comment faire pour aller plus dans le sens d'une science transparente, pour lutter contre cette crise de la reproductibilité? Y a-t-il des choses à mettre en place, notamment ici, en France? On en parle dans un instant. Scientist de The Dandy Warhol sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la problématique des rétractations d'articles et puis plus généralement des problèmes liés à la reproductibilité. Nous en parlons avec Pierre Corvol, qui est médecin, chercheur en biologie, professeur émérite au Collège de France et président de l'Académie des sciences, et Hervé Maisonneuve, médecin en santé publique et référent intégrité de la faculté de médecine Paris 7. Alors, pour lutter contre les erreurs volontaires ou non, une plateforme propose aux chercheurs de traquer les erreurs dans les publications et de poster anonymement des revues, des reviews qui pointent les manques éthiques, les manquements éthiques et sur les études publiées. Ce site, c'est PubPeer, et Antoine Beauchamp, vous êtes allé rencontrer l'un de ses fondateurs. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Boris Barbour, qui est neuroscientifique au CNRS, affecté à l'École normale supérieure. Sur son temps libre et indépendamment de l'institution scientifique qu'il héberge, il co-organise le site PubPeer, fondé par Brandon Stell. Ce site fournit en fait une plateforme où les chercheurs, mais aussi les non-chercheurs, peuvent discuter des publications scientifiques sans les intermédiaires traditionnels que sont les éditeurs de journaux scientifiques. Boris Barbour nous explique comment fonctionne PubPeer, mais aussi pourquoi ce site a un rôle à jouer dans la limitation des fraudes ou autres erreurs dans les publications scientifiques. Il nous explique également les raisons pour lesquelles il milite pour un meilleur accès aux données sources des études publiées. Le site se présente sous la forme d'une page créée dynamiquement pour chaque publication qui existe au monde. Si quelqu'un a une question, un commentaire à faire, une critique éventuellement, souvent des critiques qui se trouvent, cette personne peut se diriger à la bonne page sur le site et laisser son commentaire. Et avec souvent un temps de modération d'une ou deux journées, typiquement, le commentaire apparaît et tout le monde peut le lire et y répondre. C'est notamment le cas des auteurs qui sont bien sûr encouragés à défendre leur travail si besoin est, ou l'expliquer au moins. S'il y a une erreur dans un article scientifique qui est signalée, il y a ce dialogue qui s'instaure entre le chercheur concerné et la personne qui a signalé l'erreur. Comment ça se passe ensuite? Est-ce que il y a un temps de débat, on va dire? Alors, si une critique apparemment sérieuse apparaît sur le site, les suites sont très très variables. Donc, dans en fait beaucoup de cas, il n'y a pas de suite évidente, que ça soit de l'auteur, de journal qui a publié l'article ou de l'institution de l'auteur. Malgré souvent d'apparence la gravité de la critique posée. Ensuite, il y a des fois où l'auteur répond, il y a des fois où l'auteur répond de manière convaincante. D'autres gens peuvent s'y mêler. Ensuite, les réactions formelles, institutionnelles de journal ou de l'institution de l'auteur sont typiquement très lentes, variable, avec peu de régularité dans les jugements finalement rendus. Voilà. Vous évoquiez la gravité de certains faits qui étaient pointés du doigt. Alors de quoi on parle dans ces cas-là en termes de gravité? C'est de la fraude? C'est de la manipulation de résultats? C'est du faux? Alors, on voit de tout. Parfois, il est très difficile avec l'information disponible publiquement d'en être sûr, mais ce qu'on voit quand même assez souvent, c'est les données représentées sous forme d'images dans un article contiennent des manipulations évidentes, c'est-à-dire des duplications ou déformations de parties dupliquées de figures qui n'ont vraiment jamais aucune raison d'exister. Voilà. Est-ce que vous tenez une liste du nombre d'articles qui ont été retirés des publications grâce à PubPeer? Pour l'instant, il n'y a pas de tout de suivi formel institué par le site. Donc, quand les données sur l'existence d'une rétractation ou correction sont disponibles, automatiquement, on essaye de les récolter et insérer dans les fils de commentaires pour chaque article. Les utilisateurs souvent signalent aussi ces événements, puisque les méthodes automatiques ne marchent pas encore très bien. Donc, nous n'avons pas de statistiques développées sur cette question. C'est quelque chose qui est bien sûr intéressant. Il y a des travaux très préliminaires en cours et ce sera un sujet d'étude à l'avenir, notamment en collaboration avec un site web qui s'appelle Retraction Watch, qui a développé pour l'instant la base de données la plus étendue des rétractations dans le monde. Voilà. Quelles sont les réactions des chercheurs qui sont justement mentionnés par des tiers sur la plateforme PubPeer? Est-ce qu'ils se défaussent? Est-ce qu'ils préfèrent ne pas répondre en majorité? Ou est-ce qu'au contraire, ils s'y confrontent à cette plateforme et ils essaient de justifier au moins des défauts qu'ils ont pu réaliser dans leurs travaux de recherche? Dans la moyenne, le type de commentaires que nous recevons est relativement sérieux et c'est pas des sujets que les chercheurs aiment discuter. Souvent encore, nous avons simplement une absence de réponse. On voit de plus en plus de réponses des auteurs qui sont plus ou moins convaincantes, mais ils essayent d'arranger des choses, ils disent qu'ils vont corriger le problème. Il y a probablement seulement une minorité de cas où les chercheurs arrivent à apporter une réponse claire, convaincante, qui se base notamment sur la publication ou l'exposition des données sources. La très grande majorité des disputes, on peut dire, ou cas litigieux sur le site seraient résolus instantanément avec l'accès aux données sources dont devraient disposer les auteurs, mais elles sont jamais ou très rarement partagées en fait. Donc finalement, on ne constate pas encore de lien de cause à effet entre un signalement sur PubPeer et une rétractation dans la foulée d'un article qui aurait été faussé dans ses résultats, par exemple. Oh, c'est sûr que ça arrive, mais nous n'avons pas de statistiques, quantitatives là-dessus. Mais clairement, ça arrive. Dans un contexte plus général, il y a une chose que nous estimons serait très important pour l'intégrité de la science qui réglerait beaucoup des problèmes qu'on voit, et c'est de généraliser l'accès aux données sources, qui est censé être une initiative au niveau ministériel en France. L'application semble un peu lente, on va dire. C'est pas très sûr quel serait le niveau d'obligation de rendre public les données sources, mais pour nous, ça aurait un effet incitatif à mieux travailler et simplifierait énormément les vérifications en cas de questionnement. Voilà cet entretien avec Boris Barbour, co-organisateur du site PubPeer. Peut-être comme ça, simplement un premier mot, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Hervé Maisonneuve. Non, je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Boris Barbour. PubPeer m'a fait changer d'avis sur un problème, puisque moi j'étais de ceux qui n'aimaient pas les commentaires anonymes, et c'est la problématique des critiques qu'on lui fait. En regardant l'évolution de PubPeer, en regardant un certain nombre de choses, j'ai changé d'avis là-dessus. Alors les commentaires anonymes posent toujours problème, il faut prendre une très grande précaution, mais quand je regarde PubPeer, ils ont fait faire des progrès à la science. On sait que les commentaires anonymes, c'est effectivement un problème, que le président du CNRS, Antoine Petit, a eu des mots jugés très durs, même un peu déplacés à ce propos. Quelle est votre opinion à ce sujet, Pierre Corvol? L'INSERM aussi, une cellule d'intégrité scientifique qui a été la première en fait à être établie en France avant le CNRS. Et donc, c'est une cellule qui veut avoir en face, je dirais, celui qui porte l'allégation. Donc ce n'est pas anonyme, mais c'est confidentiel. C'est l'idéal. D'un autre côté, sur le plan pratique, je comprends très bien que PubPeer tient fondamentalement à l'anonymat des critiques. Donc je crois qu'après, c'est la manière de conduire tout cela qui est essentielle. Arrêtons de nous bagarrer là-dessus. De toute façon, PubPeer continuera. Et je crois que c'est bien. Voilà, il faut savoir raison garder dans l'affaire. Boris Barbour pointe quelque chose effectivement d'important. Il faut dire que ça fait longtemps que la France essaie le gouvernement notamment de légiférer à ce sujet. C'est l'accès à ces fameuses données sources, aux carnets de laboratoire. On va pas assez loin dans ce sens-là parce qu'évidemment, s'il y a un problème et qu'on peut retrouver les données initiales très facilement, le problème est vite réglé, Pierre Corvol. Alors, je vais prendre la défense de la France et du ministère de la Recherche. Non, je pense réellement, la France, par sa loi pour une république numérique en 2016, n'est pas en retard. Je pense que la France, avec l'Europe, est tout à fait dans le mainstream, dans le courant de ce qu'il faut faire en matière de sciences ouvertes. Je pense que le plan sciences ouvertes du ministère qui a été mis en œuvre il y a très peu de temps est quelque chose d'utile pour la communauté. Il y a une feuille de route qui est très claire, avec d'une part un effort fait sur l'accès libre aux publications, et on travaille là-dessus avec un comité sur la science ouverte, mais aussi sur l'accès des données sources de façon libre, et c'est absolument essentiel. Il y a maintenant des mises en place de registres, de banques de dépôt pour ces données libres. Évidemment, ça pose des problèmes techniques que vous pouvez imaginer, difficiles, surtout dans les sciences humaines et sociales ou les sciences médicales, car il faut respecter l'anonymat des interviews, des entretiens, des patients. Mais enfin, il y a un gros effort. Et enfin, depuis longtemps, il y a un accès libre au logiciel. Et par exemple, l'INRIA que dirigeait Antoine Petit faisait ses rapports d'activité à partir des données sources libres disponibles par les chercheurs qui les déposaient dans des sites et notamment tous les logiciels. Donc je trouve que la France fait un bon travail, il faut continuer. Au passage, c'est complexe, c'est cher, obligatoirement, mais je crois que nous sommes dans le bon courant. Hervé Maisonneuve, vous partagez ce point de vue? Je partage totalement, mais il faut voir que du côté du chercheur qui est dedans et qui comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, il voit ça comme plus de travail, comme du temps qui vont encore l'empêcher de faire son travail de recherche et de laboratoire. Donc il faut que les mentalités changent un peu. Ça veut peut-être dire moins de projets de recherche, mais plus ouverts, mais je ne sais pas ça. Il y a tout de même, quand on s'intéresse à cette question, une vraie suspicion un peu internationale sur le fait que la France serait, disons, plus clémente ou en tout cas plus protectrice, qu'elle protégerait un peu trop ses chercheurs et ses chercheuses responsables de méconduite, volontaire ou non, par rapport à d'autres pays. Vous avez ce sentiment-là, Pierre Corval ? Je ne vois pas très bien sur quoi ça se fonde. Mais notamment, par exemple, sur les chiffres que vous citiez par rapport à l'article de Nature en disant que la France rétracte très peu d'articles comparativement aux autres pays. On est avec des petits nombres, hein. Je crois vraiment. On est des petits nombres, mais là, on parle de pourcentage, on parle de proportion. Oui. Enfin, moi, je trouve que la France, effectivement, a été pendant un certain temps en retard sur l'intégrité scientifique en général, d'accord. Mais enfin... En 2016, il y a eu un rapport qui a été fait, il y a eu une lettre circulaire, il y a eu la demande expresse d'inclure dans le cursus doctoral une formation à l'intégrité scientifique, une formation à l'éthique. Maintenant, les écoles doctorales incluent aussi pratiquement dans leur module obligatoire l'ouverture des données, la science ouverte. Si vous voulez, je crois qu'on on fait ce qu'il faut. Maintenant, on n'a pas de traitement pénal des fraudes, mais ça n'existe pas dans tous les pays, bien entendu. Ça existe plutôt dans les pays, je dirais, nord de l'Europe. Ça existe aux États-Unis, ça n'existe pas au Canada. Il n'y a pas de traitement pénal. Et judiciariser à l'excès, je dirais, la recherche ne me semble pas personnellement aujourd'hui souhaitable. Sans aller jusqu'à la judiciarisation, pour prendre un exemple concret, celui de Catherine Jessus, il y a eu beaucoup de critiques de l'extérieur de la France qui ont été faites sur le traitement particulier de ce cas-là, notamment sur la non-transparence du comité d'évaluation du CNRS, sur une lettre de soutien de 500 chercheurs qui n'avaient pas forcément accès au dossier. Est-ce qu'il y a quand même une petite réticence ou une frilosité, Hervé Maisonneuve, sur ces questions-là ? C'est très difficile quand on n'est pas dans le sujet de voir ça. Et je pense qu'il y a aussi une phase d'apprentissage de tous les acteurs, de tous les côtés, à la fois savoir auditer, savoir faire. Il y a probablement des erreurs qui ont été faites, mais elles vont peut-être participer au processus d'apprentissage. Alors, je reviens sur notre pays, il est dans le peloton de tous les pays, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, parce que devant, il y a très peu de pays. C'est le Danemark, historiquement, c'est les pays nordiques et les États-Unis. Mais sinon, on est dans le gros peloton qui est en train de bouger. Pierre Corval ? Moi, sur la résilience du milieu scientifique, pour l'appeler comme ça, si vous le souhaitez. Oui, je pense que pour signer une pétition disant que un tel ou une telle a fraudé, il faut quand même connaître les données. Je doute que les 500 personnes qui ont signé la pétition avaient devant eux les données. Je parle des 500 chercheurs qui défendaient la position de Catherine Jessus. Oui, mais il faut défendre savoir quoi. Défendre, je veux dire, il faut quand même connaître un minimum de quoi on parle. Donc je suis un tout petit peu surpris qu'il y ait eu autant, aussi rapidement, de chercheurs qui aient pris la responsabilité de signer. Dans les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on pose un peu la question de ce que l'on peut faire pour aboutir à plus d'intégrité, plus de transparence. Il y a plusieurs initiatives qui sont intéressantes, dont nous avons d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, déjà débattu à ce micro. Celle de la prise en compte des résultats négatifs ou des tentatives ratées. Il y a une revue, par exemple, Negative Results, qui est apparue en 2017. Une revue comme Plus One, qui a une rubrique dédiée aux résultats négatifs. Est-ce qu'on va assez loin dans ce sens-là, Hervé Maisonneuve ? Est-ce que c'est une piste à fouiller ? Je pense que les revues ont beaucoup changé sur les résultats négatifs, mais moi, comme tout le monde, j'avais tendance à dire les revues ne publient pas de résultats négatifs. En 2013, au congrès du peer review, il y a eu beaucoup de données là-dessus et qui montrent que les revues ont toujours publié des résultats négatifs quand on va dans le background et dans l'ancienneté des revues, mais que les revues ne reçoivent pas les articles de résultats négatifs. Ça, c'est extrêmement bien montré par des sociologues américains. Un résultat négatif, parfois on ne veut pas l'écrire, parfois si on l'écrit on ne le soumet pas, parfois c'est le sponsor qui veut pas ou quoi que ce soit. Regardez, il y a des trucs très vertueux français sur un programme hospitalier de recherche clinique la semaine dernière dans le JAMA, comparant des hydroxyéthyles en réanimation à des sérum savé qui montrent rien du tout, et le JAMA l'a pris tout de suite, et au contraire on a fait la promotion d'un PHRC français, c'est très bien ça. Pierre Corval, ce propos ? Oui, je pense qu'on rejoint aussi les banques de données dans les sciences ouvertes, dans la science ouverte, c'est-à-dire que la possibilité de mettre dans une banque de données sur HAL, Hyper Article Online, sur BioArchive, qui est maintenant de plus en plus utilisé par les chercheurs en biologie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à un peu de temps, je pense que ça permet aussi de déposer des résultats négatifs qui seront ensuite publiés dans une revue X ou Y. Il faut préciser pour les auditeurs que ce sont des sites de pré-publication, BioArchive, Archive, tout ce que vous citez, ce sont des endroits où il n'y a pas de comité de lecture, où on met un travail qui est en cours. On met un travail qui est en cours, qui est quand même abouti, sur le plan éthique ne pose pas de problème, il y a quand même là aussi une surveillance qui est faite. Et ensuite, cet article en question va être publié la plupart du temps, mais c'est aussi la possibilité d'accéder à des résultats qui ne sont pas flamboyants, puisque quand c'est négatif, c'est moins attractif évidemment pour le lecteur. Néanmoins, comme le dit Hervé, ça une importance considérable dans certains cas. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Hervé Maisonneuve, effectivement, les revues ont toujours publié des résultats négatifs. Néanmoins, alors les chiffres que j'ai trouvés ne sont pas récents, mais enfin montrent que la publication de résultats positifs était de 70% en 1990, de 86% en 2007. Ça veut dire qu'on va plutôt dans le mauvais sens. Tout à fait d'accord, oui, parce qu'il y a une pression à publier. Parlons-en. Le saucissonnage, on en a beaucoup parlé ici, mais enfin... Un chercheur qui publie beaucoup est considéré comme meilleur qu'un chercheur qui publie peu, et on juge ça sur le volume et non pas la lecture et la qualité des articles. Donc tout ça explique vos chiffres qui sont vrais. Vous évoquiez quelque chose qui me semble intéressant, Hervé Maisonneuve, aussi ce qu'on appelle les register reports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Je pense, et il y a des résultats très très récents encore, que c'est ce qui va beaucoup modifier. On a vu PubPeer, on a vu d'autres choses qui modifient. Registered Reports, c'est la psychologie, et aujourd'hui il y a 200 journaux qui font ça, et ça commence dans d'autres disciplines, qui consiste à dire qu'on dépose son protocole au comité de rédaction, le protocole est reviewé par la revue, et la revue dit « oui, je publierai » ou « non, je ne publierai pas ». Elle reçoit un an, trois ans plus tard, les résultats, et comme elle a décidé de publier, quels que soient les résultats, elle publie. Et il commence à y avoir des comparaisons entre modèle Registered Report et modèle habituel ancien, et qui montrent que les résultats sont beaucoup plus valides. Dans le Registered Report, il n'y a pas photo. Pierre Corvol, qu'en pensez-vous ? J'aimerais bien que cette réflexion, effectivement, en sciences médicales, par exemple, où les essais thérapeutiques ne sont pas toujours publiés, alors même que au départ ils avaient été déposés dans clinicalresearch.gov, c'est-à-dire la grande banque de données sur les essais thérapeutiques ou cliniques en cours, alors même qu'on voit pas le résultat dans un grand nombre de cas. On aimerait bien, avec Registered Report, avoir ainsi la possibilité de suivre quel que soit le résultat, parce qu'un essai négatif clinique a pour nous une importance considérable, considérable. Et il faut voir qu'avec Registered Report, l'équipe de chercheurs est à l'aise. Elle sait que la revue prendra son travail, quels que soient les résultats. Donc ils sont plus enclins à dire « je vais essayer de bricoler pour que le comité de rédaction soit content ». Merci beaucoup à tous les deux. On va suivre évidemment ça. Ça pourrait faire d'ailleurs peut-être l'objet d'une émission entière, cette notion du Register Report. Merci beaucoup Hervé Maisonneuve. Merci Pierre Corvol d'être venu débattre avec nous de cette question de la rétractation et de la reproductibilité. Je vous rappelle toujours que vous pouvez suivre ce soir à 20h le À Voix Nue consacré à Jean Audouze, réalisé par notre collaboratrice Céline Lezen. C'est tous les soirs à 20h sur l'antenne de France Culture. Et puis vous pouvez le retrouver depuis lundi déjà en podcast intégrale sur les 5 épisodes sur votre application de podcast favorite, qui est de plus en plus souvent évidemment l'application de podcast de Radio France. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique: Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation et Bruno Morland à la technique. Demain, actualité des sciences et de la recherche, il sera question notamment du grand retour de la fusion nucléaire, d'une planète où il fait si chaud que les molécules sont déchirées, et de la réponse à l'insoutenable énigme historique qui vous taraude depuis si longtemps. Est-ce bien Molière qui a écrit les pièces de Molière? Réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.